ce charme, un sentiment qui trouble, qui surprend. Je ferme les yeux et tout est si différent. C'est le début, je le sens. On m'a rien dit, je savais que c'était toi. Une autre vie commençait ce jour-là.